Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans le dernier vers, nous avons pris la Muqaddima de l'auteur, où il explique en détail à ce qui l'a poussé à écrire son livre une fois de plus. Naam. Al-An wasil fi babayn jadidayn. Au faslayn jadidayn. On va prendre deux nouveaux chapitres de cette risala, qui sont courts également. De toute façon, tous les chapitres sont courts, mais on les prend. On essaie d'en prendre un par un, mais quand ils sont très courts, on les réunit ensemble. فَقَالَ حَفِظَ اللَّهُ تَعَالَى دَعْوَةُ أَهْلِ السُنَّةِ نِزْبَةِ إِلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ سَلَمْ. Que cette da'wa des gens de la sunnah se rapporte à la sunnah du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. La sunnah, l'oratène, c'est dans la langue, ça veut dire at-tariqa. D'accord ? La voie. Et istilahan, c'est makana ali nabi صلى الله عليه وسلم min fi'lin ou qawlin ou ikrarin. Et dans la législation, la sunnah, c'est ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait ou a cautionné ou a dit, et ainsi de suite. قال دعوة أهل السنة نسبة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض المسارية فعليكم بسنتي رواه أبو داود. Donc cette sunna est apparentée, le fait de s'appeler les gens de la sunna, et cela en appartenance à la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, comme il a dit lui-même dans sa parole dans le hadith de Irbad ibn Sariya, accrochez-vous à ma sunna, rapporté par Abu Daoud. Et le hadith, il est connu. Donc lui-même a appelé cela sa sunna, il nous a exhorté à s'y accrocher. Wa kama fi hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى ومن كان الى غير ذلك فقد هلك. Dans un autre hadith rapporté par Amr ibn As, qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que chaque œuvre est basée sur, on va dire, une motivation, une cause ou quoi. Donc celui dont cette motivation est basée sur ma sunnah sera guidé. Et celui dont elle sera basée sur autre chose courra sa perte. Ou fi hadith Anas ibn Malik, قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبارة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تكلوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا تزوجوا أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أأنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لا أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فأهل السنة هم المتبعون لسنة المتمسكون بها وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc dans l'autre hadith rapporté par Anas, dans ces trois personnes qui étaient venues, qui s'étaient rendues auprès des maisons des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour interroger à propos de ces ibadah, de ces actes d'adoration. Et lorsqu'ils ont entendu quelle était justement son intensité, ils se sont vus comme étant sans valeur eux-mêmes, leur propre personne. Que ce qu'ils font comme acte ne valait rien du tout. Ils ont dit, comment ? Lui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait tant de choses, alors que Allah lui a déjà pardonné ses péchés antérieurs et ses péchés à venir, alors que dire de nous ? Donc de là, ils se sont sentis obligés de vouloir faire encore plus. Donc l'un d'entre eux a dit, moi, je jeûnerai et je ne romperai plus jamais. L'autre a dit, moi, je ferai la salat toute la nuit et je veillerai toute la nuit et je ne dormirai pas. Et un autre a dit, moi, je délaisse les femmes et je ne me marierai pas. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il s'est rendu auprès d'eux et il leur a dit, est-ce vous qui avez dit telle et telle chose ? Il dit, Wallahi, je suis celui qui craint le plus Allah et le plus pur d'entre vous. Cependant, je jeûne et je romps. Je fais la salat et je me repose et je me marie avec les femmes. Et celui qui s'éloigne de ma sunnah ne fait pas partie de moi. Pour dire que celui qui ne fait pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, même, ne fait pas partie de lui. Donc on n'en fera pas plus que lui. Chacun fait en mesure de ses capacités, d'accord, et faire attention à l'excès et au rouleau dans les ibadat. Donc les gens de la sunna sont ceux qui suivent cette sunna et qui s'y accrochent. Et ceux qui sont le plus à même à suivre cette sunna et les plus accrochés sont les sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ceux qui l'ont rencontré en croyant en lui et en étant mort sur l'islam. Tous ceux-là sont les sahaba et sont le niveau le plus haut de cette communauté. Personne ne peut valoir un sahabi, abaden, aussi petit soit-il, qui qu'il soit. Et les sahaba sont de différents niveaux. Il y a des grands sahaba, certains qui sont meilleurs que d'autres, mais quoi qu'il en soit, le sahaba qui aurait le moindre niveau sera meilleur que l'un d'entre nous, contrairement à ce que d'autres personnes voudraient faire croire. Les sahaba ont comme droit qu'on les aime plus que nous-mêmes également, et qu'on les respecte et qu'on ne les cite qu'en bien. Et qu'on fasse le taradhi alayhim, c'est-à-dire qu'on informe que Allah les a agréés. Comme dans son livre, il l'a informé. ثم قال في فصل آخر وسموا أهل السنة لإتباعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils ont été appelés les gens de la sunna pour leur suivi de cette sunna. Ils ont été appelés les gens de la sunna du fait qu'ils suivent cette sunna. La tambih. Des gens ont divisé les gens dans cette umma comme étant sunni et shiri. C'est-à-dire que pour tout ce qui n'est pas un shiri, un shiite, comme on dirait, serait un sunni. Ce taksim, certains ulama l'ont donné, et en réalité, ce taksim, cette catégorie, cette façon de catégorifier les muslimines, est une chose qui est discutable. Car en réalité, le sunni, c'est celui qui suit la sunna. Donc il y a des gens qui ne sont pas des chiites, qui ne sont pas des shi'as, mais qui ne sont pas des sunnis pour autant non plus. Le soufi, ce n'est pas un sunni. Le khalidi, ce n'est pas un sunni. Le ikhwani, ce n'est pas un sunni. Le tabliri, ce n'est pas un sunni. Le sunni, c'est le salafi, celui qui fait partie des gens de la sunna. Tel quel. Hadha huwa al-haq, la vraie parole par rapport à ce taqsim qui a été fait. Donc là, l'auteur y reprend en disant وَصُمُّ أَهْلِ سُنَّةِ لِإِتِّبَاعِهِمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَى مِنْ الْعُلَمَاء وَطُلَّابِ الْعِلْمِ وَعَوَامِ وَفَلَّاحِينَ وَتُجَّارِ وَمُوَظَّفِينَ وَقَدْ يَكُنُ رَجُلْ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَهُوَ مُهَنْدِسِ وَقَدْ يَكُنُ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَهُوَ طَبِيبِ وَقَدْ يَكُنُ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَهُوَ مُوَظَّفِ ما دام متبعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ils ont été appelés les gens de la sunna du fait qu'ils suivent la sunna du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et qu'ils délaissent les innovations. Et parmi eux, il y a les savants, et parmi eux, il y a les toulab, les étudiants en sciences, et parmi eux, les awam sont les gens de la masse, ceux qui ont une négligence quant à l'application et l'apprentissage de leur religion. Parmi eux, il y a les paysans, parmi eux, il y a les commerçants, parmi eux, il y a les employés. D'accord. Il se peut que l'homme soit un sunni, alors que c'est un architecte, mais un ingénieur. Et c'est un sunni. Ou il se peut qu'il soit un médecin, et c'est un sunni également. À partir du moment où il suit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est, on va dire, laxiste dans son application et qu'il commet beaucoup de péchés, tant que sa croyance, elle est bonne et conforme à la sunna, d'accord, et qu'il la reconnaît, qu'il la suit, autant qu'il peut, on l'appelle sunni. On l'appelle salafi également. D'accord. Ce n'est pas forcément celui qui aura une grosse barbe, et celui qui aura le qamis à mi-mollet et qui aura la tête couverte qui est forcément le salafi. Ça, c'est l'apparence que le musulman doit avoir à la base. D'accord. Mais certaines personnes ont une faiblesse dans leur foi, dans l'application, mais reconnaissent cela comme étant la vérité. À partir du moment où ils suivent cela et s'apparentent au genre de la sunna comme il se doit, ce sont des sunnis et ce sont des salafis également. Après, chacun mesure de ses capacités et de sa foi. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut être négligent à dire Sahel, c'est pas grave, je suis un salafi, c'est plus important. On dit non, c'est plus important. Mais il faut craindre Allah Azawajel et appliquer le plus possible. Comme quand Allah Azawajel, Ya yulazina amanu, trulu fisil mikaf, wa la tattabiru khutwati shaitan. Ô vous qui avez cru, rentrez en islam pleinement et ne suivez pas les pas de shaitan. Donc l'islam, il faut le prendre pleinement sur tous ses côtés et appliquer autant que possible. Naam. Donc là, on va se contenter de cela aujourd'hui et par la suite, on poursuivra dans le prochain bab qui est. Que cette da'wa est celle du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fabi ahdal kod naktafi, wa alhamdulillah rabbil alamin.